Marins de toutes les mers, aviateurs de tous les ciels, artilleurs, fantassins, cavaliers de tous les pays, tués par la guerre, je vous appelle. Notre série sur 1915, épisode numéro 1, la guerre totale. Un an a passé depuis le jour où l'ennemi, avant même de nous avoir déclaré la guerre, a violé notre territoire. Un an plein d'une gloire si pure qu'elle éclaire à jamais des victoires du grand Romain. Les jours sont longs, les heures nombreuses, dit Roland Dorgelès quand il évoque les soldats qui se retrouvent en 1915 coincés dans les tranchées. Les contemporains effarés se posent la question qu'ils s'étaient refusés à formuler jusque-là. Cette guerre va-t-elle durer 2 ans? Or, une guerre longue ne peut être continuée avec les seuls outils humains, matériels, économiques de 1914. La guerre va happer peu à peu l'ensemble de l'économie. De nouveaux pays seront entraînés dans la spirale. Les opérations dans les Balkans finiront par faire basculer la Bulgarie du côté de Berlin et de Vienne, tandis que l'Italie rejoindra l'Entente. La France, à cette occasion, laissera éclater sa joie, mais rien de décisif ne sortira de ce renfort, non plus que des tentatives de percée que Joffre fait en Champagne et en Artois. Pour grignoter au mieux quelques kilomètres, 30 000 Français tombent chaque mois. À ce rythme, il faudra sacrifier toute la population du pays pour libérer le Nord et l'Est envahi. Cette année 1915, beaucoup moins de temps est nécessaire au gouvernement jeune turc pour déporter les Arméniens jusqu'à ce que mort s'en suive, plus d'un million de victimes en quelques mois. Le mot génocide n'est pas encore inventé et défini. A posteriori, on comprend l'importance de cette année de totalisation de la guerre, pour reprendre le langage des pacifistes de l'époque qui était encore bien rare. Elle a frappé de nouvelles monnaies rouges dans le sang des peuples. La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun. Avec Nicolas Beaupré, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Auteur d'un volume de la grande histoire de France des éditions Belin, volume énorme qui commence en 1914, se termine en 1945 et est intitulé « Les grandes guerres ». Vous commencez en disant que dans beaucoup de pays, mais prenons le cas de la France pour commencer, il y a une tripartition de chacune des nations avec le front, la cicatrice rouge qui sépare des zones envahies et des zones qui travaillent pour la guerre. Oui, effectivement, le cas de la France sur le front ouest, partagé aussi par la Belgique, est caractéristique de cette guerre et va durer pendant tout le conflit jusqu'à la reprise de la guerre de mouvement en 1918 sur le front occidental, avec effectivement une France de l'arrière, une France qui de plus en plus va être impliqué dans le conflit, va se mettre à travailler pour la guerre totale. Une large bande d'une dizaine, vingtaine de kilomètres qu'on appelle bientôt le front, hein, et qui partage le pays, qui court de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Et maintenant sur les tranchées en 1915. Voilà, et qui est l'épicentre de la violence de guerre. Et puis derrière ce front, dans le cas de la France, donc des territoires occupés par l'ennemi, qui lui aussi va devoir inventer finalement cette nouvelle forme de domination sur des populations qui n'avaient pas été nécessairement anticipées avant la guerre. Une bonne partie du Nord et de l'Est sont occupées, on disait plutôt envahies à l'époque, ce qui faisait le désespoir du grand chanteur patriotique Théodore Botrel. Après Botrel, vous entendrez une voix fort éloquente aussi. Au nord du clocher de Calais, que vois-tu là-bas dans les Flandres? Au nord du clocher amiénois, que vois-tu qui te désespère? Au nord du clocher de Soissons, que vois-tu dans nos hautes plaines? Que vois une ruée affreuse qui se déclenche à 20 contre 1? Et voici une guerre nouvelle, une guerre basse. Soit la France, domptant son génie et changeant ses méthodes, l'accepte. Chacun de ses soldats, devant les fils de fer sanglants, redit le mot de Jeanne. Vous pouvez m'enchaîner, vous n'enchaînerez pas la fortune de la France qui a la gloire suprême, après avoir proclamé les droits de l'homme, de défendre les droits des peuples, la France ne cédera pas. Cette voix n'est pas celle de Malraux, encore que c'est peut-être une source involontaire de l'éloquence de Malraux, c'est Nicolas. Paul Deschanel est une voix caractéristique de l'éloquence de Troisième République. Il est président de la Chambre des députés. Alors, le débat politique en 1915 va renaître, notamment à l'initiative des députés, dont beaucoup de 135, dites-vous, sont au front, oui, en même temps qu'ils gardent leur fonction parlementaire. Et reviennent progressivement à partir de la fin de l'année 1914, puisque à partir de la fin de l'année 1914, les chambres qui s'étaient ajournées elles-mêmes se remettent à siéger et vont inventer progressivement de nouvelles formes de gouvernance, avec notamment la réunion des comités secrets. À et puis vont participer très activement, à huis clos, il n'y a plus de séance publique, et vont participer très activement à l'élaboration de nouvelles lois, vont prendre des initiatives qui vont justement accompagner cette totalisation de la guerre et donc vont fournir aux côtés de l'exécutif un effort législatif très important. Mais avant de parler des lois, il y a la critique par le Parlement, par la presse aussi, qui n'est pas complètement bâillonnée. On pense à Clémenceau, qui est aussi président de la commission des affaires militaires du Sénat, des chefs, dont Joffre, l'immobile. Oui, il s'agit de reprendre aussi en main le pouvoir qui avait échappé en partie au pouvoir politique, puisque pensait-on la guerre allait être courte, et donc on avait laissé une très large de manœuvre à l'état-major, et notamment à Joffre, et le pouvoir politique se remettant à fonctionner à partir de la fin de l'année, il va récupérer ce pouvoir, notamment les chambres vont attaquer le ministre de la guerre, Alexandre Millerand, qui justement avait laissé toute latitude à Joffre de mener les opérations telles qu'il les entendait, voire même parfois de passer des commandes directement aux industriels, des commandes d'armement ou de munitions. Et donc tout ça va être remis en ordre. Il va y avoir, au milieu de 1915, c'est une initiative importante, un sous-secrétaire d'État à l'armement, qui est un homme politique. Oui, qui est un socialiste en plus, Albert Thomas, et qui va effectivement jouer un grand rôle dans l'organisation d'une économie où l'État va jouer un rôle essentiel avec à la fois les syndicats, les industriels, le monde ouvrier et l'État, qui de concert vont travailler ensemble sous la houlette donc de ce sous-secrétaire d'État qui va être d'une grande efficacité. Je vous ai interrompu quand vous parliez de l'effort législatif. Il y a une loi en août et puis une autre loi sur les emprunts fort importante à ce moment-là. Oui, alors la loi d'Albier, notamment au mois d'août, qui va jouer un rôle double, qui va permettre de faire la chasse aux embusqués. Ça, c'est plutôt pour l'effet d'annonce, puisque les soldats au front réclament à corps et à cri l'égalité devant l'impôt du sang. Mais surtout, cette loi d'Albier, en fait, elle va permettre de faire retourner vers l'arrière ce qu'on appelle des spécialistes, donc les métiers qui sont utiles à l'effort de guerre. Et notamment, beaucoup d'ouvriers vont, du fait de cette loi, réintégrer les usines de guerre. Et donc, on va créer un statut spécial pour les mobilisés de l'arrière, qui seront mobilisés dans les usines et non plus seulement sur le front, en raison, justement, de leur capacité particulière. Et à la fin de l'année, le texte sur les emprunts qui permet d'aimanter le maximum d'argent possible et de le diriger vers la production de fournitures. Il faut mobiliser... là aussi, il faut mobiliser les ressources financières, et là aussi avec un intérêt supplémentaire qui est d'accompagner cette mobilisation des ressources par l'emprunt d'une intense propagande qui aussi a joué un rôle culturel de remobilisation des esprits à la fin de l'année 1915. Les avancées techniques, on les imagine spectaculaires et sont souvent invisibles. Apollinaire, on a poussé très loin dans cette guerre l'art de l'invisibilité. Un inédit, il semble que ce témoignage d'André Dunoyer de Segonzac, le grand peintre, n'ait jamais été diffusé. À fin 1915, on a formé la section de camouflage. On recouvrait les batteries avec des toiles peintes et on faisait des observatoires. Moi, j'étais spécialisé dans les observatoires d'artillerie. C'est-à-dire que on prenait une cheminée que l'on copiait, c'était blindé, cette cheminée donnait de la hauteur et à l'intérieur, il y avait un appareil téléphonique, si bien que pour régler les tirs, on les réglait de tout près. On voyait arriver les obus à un mètre près et on réglait les tirs avec une précision étonnante. J'ai fait des arbres blindés. J'ai fait un arbre blindé de 9 mètres de haut sur la route de Péronne. Il y avait place pour deux observateurs. Et ça a été fait à 20 mètres des Allemands. Les Allemands étaient à la lisière du cimetière. Ça a été fait la nuit comme ça. Enregistrement du noyer de second acte de 71. Enfin, qu'on n'ait pas l'impression qu'il n'y a que du factice. Le feu domine tout avec des préparations d'artillerie qui donnent un feu roulant dans les quelques offensives que tente Joffre en 1915. Oui, on a un certain nombre d'innovations. On a parlé du camouflage. Effectivement, on invente de nouvelles manières de bombarder les lignes, de feu roulant. Ce que les Allemands aussi appellent le feu Trommelfeuer, où il s'agit le tambour, hein, où il s'agit d'écraser les lignes ennemies. Le camouflage va jouer aussi un rôle essentiel. C'est l'année en 1915 que les tenues des combattants français, notamment, vont changer de couleur, hein, vont prendre ce bleu horizon. Une autre arme invisible, le gaz, hein, qui va aussi à ce moment-là, lors de cette année 1915, une première fois sur le front de l'Est en janvier, puis sur le front ouest à Ypres le 22 avril 1915, donc être déployé. L'invisibilité, c'est aussi sous la mer, avec notamment les sous-marins qui vont être utilisés de manière intensive par les Allemands pour essayer de briser le blocus auquel ils sont soumis depuis le début de la guerre, mais blocus qui s'intensifie aussi en 1915. Puis l'invisibilité aussi. Je vous arrête sur les sous-marins. Les torpilles allemandes auraient pu se dispenser de couler au large de l'Irlande, le Lusitania, oui, navire de la compagnie Cunard américaine. Oui, le 7 mai 1915, le Lusitania, dont le naufrage fait près de 1200 victimes, hein, civiles, mais qui transportait aussi des munitions. Mais la voix des Allemands, tentant de justifier cet acte de guerre, n'a pas été entendue, et ça a été une victoire de la propagande alliée que de s'emparer finalement de ce Lusitania, même s'il n'a pas entré les États-Unis dans la guerre. Il a nettement tendu les relations entre les deux pays. Puis 1200 victimes en Méditerranée, on arrive à ce chiffre très vite, en peu de jours maintenant. Je vous interromps. Encore, continuez. Oui, sur l'invisibilité toujours, et puis sur les nouvelles armes, si on suit ce poème célèbre d'Apollinaire, c'est aussi des innovations dans les airs, avec une transformation du rôle de l'aviation, puisqu'au début du conflit, l'aviation a essentiellement un rôle d'observation, et elle devient avec l'année 15 une arme, avec le développement de la chasse. C'est d'ailleurs il y a 100 ans, quasiment jour pour jour, le 18 avril 1915, que Roland Garros est capturé par les Allemands. Il est obligé de se poser, et c'est lui qui a inventé, un des premiers qui a inventé un dispositif qui permettait de tirer entre les pales de l'hélice et donc d'attaquer les avions ennemis. Puis c'est les bombardements de civils. C'est aussi en 1915 que les zeppelins allemands en très haute altitude fondent sur les villes françaises et même sur les côtes anglaises, avec les premiers bombardements des côtes anglaises cette année-là. Comment consentait-il à continuer le consentement des soldats obéissant à des gradations? C'est pas oui, non, c'est beaucoup plus subtil. Oui, c'est surtout en fait l'endurance qui, en cette année 1915, l'endurance des combattants qui est mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve à la fois par cette nouvelle forme de guerre, qui est la guerre des tranchées, qui certes protège les combattants de la violence extrême du feu auquel ils avaient été soumis lors des batailles de la guerre de mouvement de 14, mais qui les soumet aussi à des conditions de vie particulièrement dures. Et puis c'est l'endurance aussi lors des offensives sans cesse répétées de l'année 1915, au Vieil Armand, dans les Vosges, en Champagne à deux reprises, en Artois à deux reprises, à Ypres sur le front des Flandres. Donc c'est ce mot d'ordre-là, endurance, qui domine finalement pour les combattants cette année 1915. Les officiers jettent quand même du lest, première permission autorisée, décembre 14, enfin normalisée. Été 1915, et c'est quoi, une semaine tous les 4-5 mois? Oui, voilà, c'est une semaine, et là aussi c'est une conséquence de ce changement de guerre, en fait, et d'un nouveau rapport au temps, en fait, que les pays en guerre sont obligés d'entretenir. On n'est plus dans la guerre courte, hein, et donc il faut réorganiser et créer finalement pour les combattants une forme d'horizon d'attente un peu artificielle, que sont ces permissions qui sont attendues et qui les aident justement dans cette endurance si nécessaire pour les pays en guerre. Pendant les permissions, on retrouve une vie citadine qui s'est de nouveau normalisée, Parfois, à Paris, on crée, c'est très rare, hein, des opérettes pendant la guerre de 14-18. Je ne parle pas de Fifi de 1918, mais ici d'une opérette qui a été créée à l'Apollo, à côté du Casino de Paris, en novembre 1915, Mimi et sa cocarde, un enregistrement postérieur de Robert Burnier, qui n'existe pas, encore un quasi inédit, dans les rayons de la discothèque de Radio France, mais que l'on doit à deux collectionneurs, Jacques Bernard et Martin Penet. De l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Et la cocarde de Mimi Pinson, et le baryton Robert Burnier, et Nicolas Beaupré, qui, historien à l'université de Clermont-Ferrand, a publié il y a peu un énorme volume sur les grandes guerres dans la nouvelle histoire de France, des éditions Belin. Totalisation de la guerre, vous insistez sur ce mot. Élargissement géographique de la guerre. C'est au début de l'année 1915 que naît l'hypothèse d'une armée d'Orient et que naît, et ça c'est réel, c'est au-delà de l'hypothèse, la tentative maritime des détroits des Dardanelles. Oui, l'entrée en guerre à la fin du mois d'octobre, au début du mois de novembre 1914 de l'Empire ottoman change la donne. Puisque c'est un nouvel empire qui entre en conflit et s'ouvre alors un nouveau front, et même deux fronts, puisqu'il y a un front en Méditerranée et un front au Moyen-Orient, et même dans le Caucase, en fait, c'est dans cette entrée en guerre, donc se traduit par l'ouverture de trois nouveaux fronts. Et donc l'idée, notamment défendue par les Britanniques, hein, et notamment par le premier lord de l'amirauté, Churchill, est d'attaquer donc ce nouvel allié des puissances centrales, qu'on identifie comme étant le plus faible, et donc de le faire sortir de la guerre, et donc d'infliger ainsi une défaite cuisante en attaquant donc dans le détroit des Dardanelles. Donc il y a déjà des tentatives maritimes avec des bateaux, mais qui ne parviennent pas à passer les détroits. Et donc, suite à ces tentatives infructueuses, on organise un grand débarquement. Alors, mondialisation, l'idée aussi des Britanniques est de faire appel, pas seulement à leurs alliés français qui vont dépêcher quelques bateaux, mais aux troupes d'Australie et de Nouvelle-Zélande. On verra mercredi dans la troisième émission de notre série comment le cinquième continent entre dans le monde à cette occasion. L'idée aussi, c'est de faire basculer les petits pays des Balkans, Grèce, Roumanie et Bulgarie dans la guerre. En arrière-plan, juste d'un mot, je dis en arrière-plan, vu d'ici, le grand massacre des Arméniens, auquel nous consacrerons deux émissions et qui commence en avril. Oui, et qui est lié aussi très étroitement avec le premier conflit mondial, même si le contentieux et si les volontés déjà d'éradication des populations arméniennes préexiste à la guerre, mais la Grande Guerre va jouer un rôle essentiel dans la radicalisation de la violence, et notamment dans le projet génocidaire, notamment suite à la défaite des armées ottomanes à l'hiver 14-15 à Sarikamish, donc dans le Caucase, qui vont se traduire par la recherche d'un bouc émissaire, en fait, et ce bouc émissaire est tout trouvé, ce sont les populations arméniennes, et donc va se mettre en place une planification progressive de massacres qui vont prendre le caractère d'un génocide, notamment à partir du printemps 1915. Déjà, même avant le mois d'avril, en fait. C'est un processus qui dure entre l'hiver 1915 et le printemps. Et qui est tout de suite qualifié, le mot de génocide n'existe pas encore à l'époque, par l'entente, la Russie d'abord, la France et l'Angleterre, de crimes contre l'humanité et la civilisation. Mai 1915, on avance dans le temps. L'élargissement passe par l'Italie. Et alors la France est ravie et donne un jour de congé aux élèves des écoles. Oui, on célèbre l'union latine, hein, surtout que le basculement de l'Italie n'avait rien d'évident, puisqu'au départ, en 1914, il s'agissait d'un allié de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, qui avait choisi finalement la neutralité. Et là, la France et l'Entente pensent gagner un allié de poids. Mais c'est pas décisif, d'autant que l'Italie à son propre agenda et qu'elle voudrait bien dépecer l'Autriche-Hongrie comme d'autres puissances veulent dépecer l'Empire ottoman. Et là, il va y avoir concurrence et non pas jonction avec l'armée serbe. L'armée serbe qui va finir par s'effondrer, les Bulgares en octobre, basculant du côté de Berlin et de Vienne. Voici un témoignage de Raymonde Pernès, qui était alors une enfant. Son père travaillait dans une mine de cuivre du nord-est de la Serbie, tenue par les Français. Les Bulgares arrivaient, il fallait fuir. Le 1er octobre, je crois, nous quittions Bor. Nous allions vers Mitrovica. L'armée serbe elle-même battait en retraite. Et longtemps nous marchâmes à côté d'elle. Avant d'arriver à Prizren, un grand découragement nous saisit et plusieurs personnes ne voulaient plus avancer. Mais monsieur le directeur, certain que l'armée française venait au secours des Serbes, nous exhortait à continuer. Le convoi se remit en marche. L'armée serbe passait, malheureuse, affamée, accablée. Nous la suivions. La neige tombait. Plus de route, on allait au hasard, un jour glissant, un autre pataugeant dans une boue affreuse. Je ne sais à quel endroit le hasard fit que ces dames trouvèrent un âne à acheter. Quelle aubaine ! Ma mère essaya de me mettre dans un vieux panier avec une couverture et de me faire porter par le baudet. Le baudet refusant de marcher, les soldats serbes s'en emparèrent et je crois qu'il fit le repas ce jour-là. Je me souviens d'avoir entendu Persa qui chantait, parfois le soir autour des feux, toujours cette mélopée guerrière serbe. Tamo daleko, tamo je moj kućo, tamo je moj selo, tamo je moj ženo. Raymond Pernès au micro de Pierre Cipriot. C'était dans le magazine mensuel de la guerre de 14 que France Culture consacrait au conflit en 1965. Les Serbes rejetés à la mer, ce qui reste de leur armée recueillie tant bien que mal. Et puis, au nord, toutes les espérances de l'entente qui sont aussi dévaluées avec l'effondrement des Russes. C'est une année désespérante, vu de notre point de vue, oui, 1915. Oui, le front est immobile à l'ouest, mais bouge beaucoup sur les autres fronts, notamment donc le front de l'Est, avec les grandes offensives allemandes menées par Mackensen, qui est d'ailleurs l'acteur aussi principal de la victoire sur la Serbie, puisque la Serbie avait mis en échec les armées austro-hongroises, et qu'il faut attendre en fait quasiment un an après le début de la guerre, pour que, même plus qu'un an, pour que les Autrichiens, mais alliés avec des Allemands et des Bulgares, viennent à bout de la Serbie. Mais sur le front de l'Est, les Russes sont mis sur le reculoir après quelques victoires encore au début de l'année, Et là, c'est un recul spectaculaire de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Et notamment, toute la Pologne russe est capturée au mois d'août par les troupes allemandes. Dernier témoignage inédit, qui n'a jamais été diffusé non plus, la comtesse Maria Schapska, qui est une grande écrivaine, auteure d'une famille en Europe centrale, et qui explique comment elle se retrouve à l'intérieur des frontières les plus anciennes de l'Empire russe. Les Russes, en reculant, n'est-ce pas, ils voulaient laisser aux Allemands la terre brûlée. Ils refoulaient toute cette population au fond de la Russie. Alors nous avions de nouveau cet affreux spectacle des routes bondées de chariots remplis de pauvres malheureuses familles qui, emportant le reste de leur harde, s'en allaient on ne sait où, n'est-ce pas. Et alors, certaines parties de ces pauvres émigrés s'arrêtaient à Minsk. Et pendant 2 ans, moi et ma soeur, nous avons travaillé justement pour les nourrir, pour les habiller, parce que c'était une terrible misère. Ils habitaient des petites cabanes qui étaient de nouveau abandonnées par d'autres, qui étaient de nouveau refoulées autre part. Et tout ça, c'était très, très pénible à supporter. Mais nous tâchions, n'est-ce pas, de faire notre possible pour soulager un peu cette misère et ces malheurs. Demain, nous consacrerons l'émission aux tentatives d'humanisation de cette guerre totale de 1915, dont on tire le bilan à une grande conférence sur la marine à Paris fin novembre, à une grande conférence des forces de terre à Chantilly au mois de décembre. La situation est devenue si difficile qu'il faut coordonner. Oui, il s'agit d'essayer de mieux coordonner les efforts, notamment au niveau de l'entente, et de préparer de nouvelles offensives, puisque si on est dans une guerre défensive, on ne se satisfait pas de cette situation, et il s'agit de remettre finalement le front en mouvement, et notamment donc à la fin de l'année 1915, les Alliés préparent une grande offensive coordonnée pour l'été, avec une attaque sur tous les fronts, et en particulier sur le front de l'Ouest, on prépare la grande offensive de la Somme. Mais les Allemands réfléchissent aussi à remettre la guerre en mouvement et préparent de leur côté une grande offensive à Verdun. Les Allemands n'avaient-ils pas un peu d'avance en matière économique ? Les Allemands, ils ont commencé à exploiter de manière intensive les territoires qu'ils occupaient, dont on parlait au début de l'émission. Et ils ne sont pas encore effectivement en grande difficulté économique, mais le blocus commence à faire aussi des effets. Et l'hiver 1915-1916, puis l'hiver 1916-1917 vont être particulièrement éprouvants, notamment pour les puissances centrales, mais aussi pour la Russie, alliée de la France. Le commandement est moins contesté en Allemagne qu'en France ? Les Allemands ont peut-être su mieux adapter leur chaîne de commandement pendant l'année 1915, hein, et peut-être tirer mieux les leçons des victoires à l'Est, mais aussi des offensives ratées finalement des Alliés de 1915. Mais le débat démocratique a du bon, qui va permettre de contribuer au remplacement du vieux Joffre à la tête des armées françaises. Premier épisode donc d'une série 1915 avec à la technique Alexandre Abergel, Jacques Sigal pour la réalisation, la préparation, Frédéric Martin.